Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Uber, ça n'est pas un super fail, en ce sens que l'entreprise n'a pas déposé de bilan, pas encore en tout cas, mais c'est un super fail en ce sens que cette entreprise défie les lois du capitalisme. Moi j'ai arrêté les Uber, je trouve que le service est dégradé. À l'époque, tu sais, ils t'ouvraient la porte, une petite bouteille est à votre disposition, la température du véhicule vous convient, tu sais, ils étaient aux petits soins. Laisse tomber, la dernière fois j'en ai pris, hein. Déjà le gars n'ouvre pas la porte, j'étais là, s'il vous plaît, est-ce que je peux... Après, il y en a qui sont bien, je dis pas le contraire. Hein. Je suis tombé sur un gars, il était super cool. Il en faisait un peu trop, je trouvais. Tu sentais que c'était contre nature, parce qu'il était là. Une petite bouteille d'eau siège à votre côté, monsieur. Avez-vous une playlist de préférence pour la musique? Hip-hop, rap, R&B, j'ai de tout, monsieur, n'hésitez pas. Et t'as envie de lui dire, tu peux parler tranquillement, hein, je suis pas Montesquieu, vas-y, tranquille, détends-toi. Et à un moment, t'as toujours le naturel qui revient au galop, tu vois. Et en général, dans son cas, c'est quand t'as quelqu'un qui va piler devant lui et qui va faire une dinguerie. Donc, tu sais, il est là en self-control. Non, c'est vrai qu'en ce moment, le temps, c'est du n'importe quoi. Hey, nique ta mère la pute, je vais te baiser ta race. Non, c'est vrai que les gens ne savent plus conduire, monsieur. Hein. T'en as d'autres aussi, souvent, qui me demandent ce que je fais comme métier quand je leur réponds humoriste. Ils veulent toujours entrer dans un débat, mais tu les vois arriver à 1000 km, tu sais, parce qu'ils commencent toujours la phrase en disant « Moi, de toute façon, je veux pas rentrer dans les détails, mais disons qu'il y a des gens sur qui, voilà, on peut pas faire de blagues. » Donc là, t'essayes de botter en touche. « Ah, ouais, ah, il y a un feu rouge, dis donc, ici, je l'avais pas vu. » Et il y a toujours un moment où, pareil, le naturel revient et il faut qu'il te lance. Et là, non, non, mais voilà, quoi, je... Non, parce que de toute façon, les juifs, Dieu donné, il nous a montré que là... Et t'es là, oh putain, merde. J'ai devoir faire un débat sur l'antisémitisme avec un mec qui écoute du Joule. Un extrait d'un sketch de Kevin Razi. Bonjour Frédéric Fréry. Bonjour. Vous êtes professeur à l'ESCP Europe et également à Centrale Paris et vous avez publié le manuel Stratégie qui en est, je crois, à sa 11e édition. Alors... Le modèle économique d'Uber, il faut le présenter à nos auditeurs parce que on prend parfois des Uber, en tout cas, on en sait, on en connaît l'existence. On a l'impression que c'est une très grande société et en réalité, les coulisses sont moins reluisantes. Dites-nous pourquoi. Alors le modèle économique, il est assez simple. Quand vous prenez un Uber, en fait, le chauffeur garde 75% du prix de la course et Uber garde 25%. Alors ça, c'est en théorie. Parce qu'en pratique, Uber et tous ses concurrents sont absolument convaincus que celui qui va gagner dans cette industrie, c'est celui qui est le plus gros. C'est un truc qu'on appelle en anglais le winner takes all. Le plus gros emporte la mise. Et donc ce qu'ils font, c'est que ils font des commissions qui sont en fait plus faibles pour les chauffeurs et souvent des promotions pour les clients de manière à assurer qu'ils vont grossir le plus vite possible, pensant qu'une fois qu'ils seront tout seuls, ils pourront enfin être rentables. Parce que la particularité, c'est qu'ils ne sont pas rentables du tout. Et alors c'est ça donc qu'il faut expliquer parce qu'on ne le sait pas nécessairement. Voilà. Uber, en fait, donc a été créé en 2009. La légende veut que le fondateur était venu à une conférence à Paris, et puis il y avait de la neige, il ne trouvait pas un taxi. Donc il s'est dit, sapristi, je créerai moi-même ma compagnie de taxi. Mine de rien, 6 ans plus tard, il était présent dans 69 pays quand même. Aujourd'hui, ils ont 2 millions de chauffeurs, ils ont fait 10 milliards de courses. Mais tout ça de manière pas rentable du tout. Parce qu'en fait, depuis sa création, Uber a dû perdre quelque chose à peu près maintenant aux environs de 13 ou 14 milliards de dollars. Ce qui est une somme coquette. Tous les ans, ils perdent à peu près 60% de leur chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que leurs coûts sont très largement supérieurs à ce qu'ils gagnent. Perdre 60% de son chiffre d'affaires, là aussi, il faut l'expliquer aux auditeurs. Déjà, perdre 60% de ses bénéfices, c'est un problème. Mais alors, perdre 60% de son chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on dépense beaucoup plus que ce qu'on gagne. On dépense 60% plus que ce qu'on... Enfin, on dépense beaucoup plus que ce qu'on gagne. Et la raison pour laquelle ils dépensent beaucoup plus que ce qu'ils gagnent, c'est parce que donc ils investissent énormément d'argent pour être sûr d'être toujours le plus gros. Et ça, ça passe notamment par le fait qu'ils font des promotions très importantes donc auprès des chauffeurs, mais aussi auprès des clients. Un exemple de ça, un concurrent important de Uber, c'est le chinois Didi, qui a réussi quand même à faire sortir Uber de Chine. Et Didi s'est implanté en France, notamment à Paris, sous la marque Taxify. Eh bien, le premier mois où Taxify est arrivé à Paris, pour être sûr de gagner de la part de marché, ils ont envoyé à tous les gens qui s'étaient inscrits le fait que toutes les courses étaient à moins 50%. Évidemment, Uber était obligé de s'aligner, parce que sinon, ils risquaient de perdre des clients. Et donc, ils sont en permanence dans cette course à la promotion, alors que les clients voient pas forcément beaucoup, mais que les chauffeurs, eux, voient. Et ça, bah, ça crée énormément de déficits, parce que, en fait, bah, l'activité pour Uber n'est pas rentable. Alors, les chauffeurs, évidemment, de leur côté, bah, ils savent que... Uber a une grande crainte, en fait, hein, vous savez peut-être, c'est que ses salariés, pour l'instant, ce sont des indépendants, ce sont des auto-entrepreneurs. Et la crainte, c'est que l'URSSAF et les équivalents dans d'autres pays, en fait, requalifient ces auto-entrepreneurs, ces indépendants, en salariés. Et là, si c'est des salariés, évidemment, Uber disparaît instantanément. Et donc, pour s'assurer de ça, Uber a demandé, en fait, à ses chauffeurs de travailler aussi pour d'autres plateformes. Ce qui permet de dire qu'ils sont pas le seul employeur, entre guillemets, et donc qu'il y a une requalification qui sera plus difficile à faire. Mais ça, évidemment, ça pousse aussi les chauffeurs à mettre en concurrence Uber avec d'autres plateformes. Et donc on est dans une espèce de système de concurrence permanente de la part des chauffeurs, de la part des clients, des différents prestataires comme Uber, Didi et les autres qui eux essaient de les attirer, et tout ça, ça se fait de manière absolument pas rentable. Donc. Et c'est ça qui est catastrophique, c'est que pour être convaincus qu'ils vont conserver leur taille, parce qu'ils sont convaincus que celui qui sera le plus gros, c'est celui qui emportera la mise, ils dépensent des sommes complètement ahurissantes. Alors, ils dépensent des sommes ahurissantes, et Uber dit, pour se défendre, Uber n'est pas le seul, parce qu'on va le voir, ils ne sont pas les seuls à avoir ce type de modèle économique. Uber dit que finalement, ces sommes sont de l'investissement et qu'il ne s'agit pas de dépenses récurrentes. Qu'est-ce qu'on peut rétorquer à ça, Frédéric Frey ? On pourrait dire effectivement que c'est une conquête du territoire, conquête en fait du marché, et qu'une fois que le marché sera conquis, bah là tout ira bien. Le problème, c'est que ça, c'est pas sûr du tout. Il y a un parallèle qui est très intéressant à faire avec les livreurs de repas en vélo, les Uber Eats, Foodora, Deliveroo, ça marche, etc. Ça alors c'est exactement le même problème. C'est-à-dire que ça marche du point de vue des clients qui se disent moi c'est très bien, je peux commander des choses, du point de vue des restaurants qui peuvent livrer aussi. En revanche, du point de vue des opérateurs, bah c'est également totalement déficitaire parce qu'ils sont dans la même logique. Ils se disent je vais être le plus gros, et une fois que je serai le plus gros, je serai tout seul. J'avais discuté avec le directeur général de Foodora, l'année dernière, de Foodora France. Qui a été arraché à notre affection. Voilà, oui. La société. Absolument. Alors, au départ, c'est des Allemands. Hein. Et la filiale française, donc, effectivement, a fermé à l'été dernier, mais j'avais discuté avec le directeur général peu de temps avant. Et il me disait la chose suivante, il me disait, ouais, on perd tous de l'argent dans ce système, de toute façon, parce qu'en fait, pour être sûr d'avoir le plus grand nombre de restaurants, on fait des promotions en permanence auprès des restaurants, et la livraison coûte finalement quasiment rien aux restaurants et aux clients de moins en moins. Mais on veut être le plus gros possible. Mais il disait, moi, j'ai un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Alors, j'étais surpris, je me disais, c'est jamais que des types qui pédalent, donc qui pédalent plus vite que d'autres, enfin, qu'est-ce que vous avez comme avantage concurrentiel? Et là, il me dit, moi, le gros avantage, c'est que derrière moi, j'ai des actionnaires qui sont prêts à perdre de l'argent plus longtemps que les actionnaires des autres. Ce qui est quand même un avantage concurrentiel particulièrement impressionnant. Et j'ai dit, ah oui, d'accord, donc vous allez tenir plus longtemps, les autres vont laisser tomber avant vous. Par exemple, il y a un Belge, Take It Easy, qui a laissé tomber il y a quelques temps. Parce qu'il n'avait plus d'argent à perdre. Parce qu'il n'avait plus d'argent à perdre, les actionnaires ont jeté l'éponge. Et donc vos actionnaires tiendront plus longtemps et vous allez vous retrouver tout seul un jour. Et le jour où vous serez tout seul, là enfin vous allez pouvoir remonter les tarifs et être enfin rentable. Et là il me dit une chose extraordinaire, il me dit, ah ben non, je ne peux pas, parce que si je remonte mes tarifs, il y en a d'autres qui vont rentrer. Ce qui veut dire qu'il est condamné éternellement à perdre de l'argent, ce qui est quand même un petit peu inquiétant quand on y réfléchit. Pas inquiétant quand on est actionnaire. Quand on est actionnaire, quand on est client, à la limite, on se dit on en profite tant que ça existe. Tant qu'on est livreur, on se dit tant qu'il y en a d'autres qui permettent de le faire, finalement, on peut continuer à travailler. Maintenant, quand on est actionnaire, ça peut être un peu inquiétant, effectivement. Oui. Bon, mais alors attendez, parce que Uber a, comme on dit, des relais de croissance. Alors vous dites qu'ils perdent beaucoup d'argent, et donc les actionnaires s'appauvrissent. Beaucoup d'argent, hein, c'est à peu près un milliard et demi par trimestre. Ce qui est une somme, qui est beaucoup d'argent, oui. On est bien d'accord. Une somme coquette, en tout cas, puisque a priori une entreprise plutôt là pour gagner de l'argent. Uber donc perd de l'argent, mais il va y avoir des choses merveilleuses. Il va y avoir des voitures volantes, des Uber autonomes. Ouais. Alors ça fait partie du storytelling qui sert à attirer en fait des investisseurs. Parce que fondamentalement le modèle là encore, il repose sur le fait que Uber ne salarie pas ses chauffeurs et ne possède pas ses voitures. C'est que des coûts variables, comme on dit en gestion. Si jamais ils se mettent à avoir des voitures autonomes ou encore pire, des voitures volantes, qui, au passage, elles n'existent pas. Hein. Là, ça coûterait extrêmement cher en capital. Or, déjà, Uber n'arrive pas à augmenter son capital, mais le mange. Si, en fait, Uber continue à exister, c'est parce qu'il y a toujours des gros investisseurs internationaux qui remettent de l'argent au pot. Une bonne question, d'ailleurs, c'est pourquoi ils le font. Eh ben, je vous la pose, parce que, finalement, ce que vous dites, Frédéric Fréry, c'est que Uber est une société subventionnée, puisqu'elle perd de l'argent. Et donc, elle est subventionnée par ses actionnaires qui, aujourd'hui, perdent du capital. Est-ce que la valorisation d'Uber, elle s'accroît? Alors, la valorisation d'Uber, elle est très variable. Uber n'est pas une société cotée. Hein. Donc, les seuls indices qu'on a, c'est lorsqu'un nouvel investisseur rentre, on regarde quel pourcentage il prend, puis on fait une règle de 3 pour savoir au total combien ça vaut. Et donc, ça varie suivant ce que mettent les nouveaux investisseurs. Un des derniers à être entré autour de table, c'est le japonais SoftBank, qui a remis une somme considérable il y a un an ou deux. Historiquement, les gros actionnaires, c'était plutôt Goldman Sachs, le fonds souverain saoudien. Et donc, étant donné que tout ça est très déficitaire, d'ailleurs, vous pouvez vous dire une chose intéressante, c'est que qui paie en fait les factures, qui paie les loyers, qui paie les chauffeurs, qui paie tout ça chez Uber, c'est pas le client quand vous payez pour une course. Celui qui paye vraiment pour tout ça, c'est l'investisseur. Donc vous pouvez vous dire que quand vous prenez un Uber, en fait, celui qui paye vraiment pour votre course, c'est Goldman Sachs ou le fonds souverain saoudien. Ce qui est quand même assez rigolo quand on y réfléchit. Effectivement. Alors pourquoi ils font ça? On peut les remercier. Voilà, on peut les remercier. Ils font ça parce que eux, ils ont un portefeuille en fait d'investissement sur lesquels il y a des risques plus ou moins élevés, et ils se disent que ils peuvent se permettre de perdre finalement des sommes qui pour nous sont totalement astronomiques, mais qui pour eux font partie de leur politique d'investissement. Si jamais ça marche, en revanche, là, ça pourrait être extrêmement rentable. Et puis, un cas qui est très intéressant, par exemple, il y a un concurrent de Uber qui s'appelle Lyft, qui est un Américain, et qui là vient d'annoncer qu'il va rentrer en bourse. Alors, dans la plaquette qu'ils ont remis à leurs actionnaires potentiels, parce que pour l'instant, ils ne sont pas en bourse, pour l'instant, c'est des investisseurs privés, ils ont quand même dit, nous n'avons jamais été rentables, et il est probable que nous ne le soyons jamais. Ce qui, quand même, pour une entrée en bourse, c'est assez particulier. Moi, c'est honnête, ils sont obligés de le faire. Quand vous rentrez en bourse, vous êtes obligé de dire des choses comme ça. Et un effet secondaire totalement surprenant, c'est qu'il y a un investisseur japonais, Rakuten, qui est une sorte d'Amazon japonais, qui possède Price Minister, par exemple, en France, qui avait investi en 2016, il avait pris 13% du capital de ce fameux Lyft. Et quand on a annoncé l'introduction en bourse de Lyft, eh bien immédiatement, l'action de Rakuten a fait un bond considérable, parce qu'on s'est dit, en valorisant ce qu'ils vont rentrer en bourse, forcément, ils vont avoir une plus-value considérable par rapport à ce qu'ils avaient misé. Ce qui est quand même stupéfiant de se dire qu'il va y avoir vraiment une valorisation en fait, de la valeur de Rakuten sur une entreprise qui avoue clairement qu'elle ne fera peut-être jamais de profit. Donc c'est un petit peu comme si... Mais parce qu'une entreprise qui ne fait pas de profit, Frédéric Fréry, vous êtes notamment professeur à l'ESCP Europe, c'est un peu une négation dans les termes. Si c'est une ONG, très bien. Oui. Hein. Mais une entreprise qui ne fait pas de profit, ça sert à quoi? Je veux dire, quelle peut être sa viabilité dans un système capitaliste? Alors, fondamentalement, il n'y en a pas. Bien évidemment, une entreprise, ça sert à faire du profit. Son objectif, c'est de dégager des richesses, qui après peuvent être partagées de diverses manières, mais son rôle fondamental, c'est de dégager des richesses. La particularité, en fait, de ces entreprises-là, c'est qu'elles sont dans une logique de start-up. Et la différence entre une entreprise, comme on les connaît habituellement, et les start-up, c'est qu'une entreprise, comme on les connaît habituellement, elle vend son présent. Une start-up, elle vend son futur. Et donc, tant que vous faites l'hypothèse qu'il y aura un futur brillant un jour, là-bas, très loin, dans l'avenir, et que vous actualisez ces gros bénéfices que vous ferez un jour en les mettant dans le présent, eh ben, ça peut convaincre des investisseurs. Et puis, toujours pour les investisseurs, tant qu'il y a d'autres investisseurs qui sont plus convaincus que vous, finalement, ça vaut la peine d'essayer. Mais alors, ça vaut la peine d'essayer en espérant trouver, pardonnez-moi l'expression, mais des pigeons qui vont être les actionnaires futurs, finalement, de cette société qui est aujourd'hui déficitaire. Vous pouvez le présenter comme ça. Et en l'occurrence, le bénéfice qui va être fait par bénéfice, l'augmentation de valeur qui va être faite par Rakuten, c'est évidemment sur l'hypothèse qu'il y a des gens qui vont penser encore plus que lui qu'un jour Lyft sera rentable. Parce que pendant de nombreuses années, on s'est gaussé à juste titre d'ailleurs des pertes d'Amazon. Amazon était déficitaire et aujourd'hui, enfin, Amazon gagne de l'argent. Je dis enfin pour le patron d'Amazon. Ouais. Vous faites un coup-ci, coup-ça de la main. Amazon, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, est un homme extrêmement pragmatique et terriblement rationnel. Et si vous regardez en fait les courbes d'Amazon, elles sont impressionnantes. Hein. Toutes les courbes augmentent de 30% par an. Le nombre de salariés, le chiffre d'affaires, le nombre d'entrepôts, enfin, c'est extrêmement impressionnant depuis le départ. Il y a une courbe en revanche qui est quasiment indiscernable de l'axe et qui est quasiment à zéro, c'est les résultats. Amazon n'a jamais eu des résultats énormément négatifs, mais elle n'a jamais eu des résultats énormément positifs non plus. Ils sont toujours quelque part au-dessus de plus 0, moins 0, plus 20, moins 30 en millions, hein, alors que le chiffre d'affaires d'Amazon, c'est plus de 100 milliards. En fait, ça vient pas de déficit de gestion, ça vient d'une volonté délibérée. Quand vous avez un résultat qui est en permanence en fait proche de zéro, c'est que vous avez fait exprès qu'il soit en permanence proche de zéro. Pourquoi ? Parce que vous réinvestissez la totalité de ce que vous gagnez dans la croissance et dans l'investissement. Et donc Amazon a un système qui lui est rentable par nature, mais en réinvestissant la totalité de ce qu'il fait dans la croissance, il a un résultat net en fait qui ne l'est pas. Ce qui est délibéré et qui a un autre avantage au passage, c'est que ça permet d'éviter de payer des impôts sur les sociétés. Mais alors, moi je pensais qu'Amazon était aujourd'hui déficitaire dans son activité qui est son activité d'origine, c'est-à-dire le fait d'acheter et donc de livrer des produits, et que finalement aujourd'hui, le bénéfice, alors pas le bénéfice consolidé, c'est-à-dire l'une des pièces constitutives du bénéfice, mais si on somme des plus et des moins, bah à la fin, on peut arriver à un résultat aux environs de zéro, Frédéric Fréry. L'idée, c'est qu'Amazon gagnait de l'argent avec le cloud. Tout à fait, avec l'hébergement. Alors, ce qui est assez éloigné, finalement, de son objet social d'origine. Oui, enfin, mais même avec ça, c'est-à-dire que même l'argent qui est gagné sur le cloud va être réinvesti dans la création d'entrepôts. Certes, mais ça veut dire peut-être que vos actionnaires de Lyft, bref, les actionnaires dans le secteur de la mobilité, dont Uber, ils se disent que peut-être un jour on n'est jamais à l'abri et qu'on peut peut-être trouver un secteur qui lui deviendrait enfin excédentaire. Bien sûr, l'idée c'est effectivement qu'il y a, c'est un pari, et peut-être que parmi les différents paris qu'ont fait des gens comme Elon Musk, le fonds Saoudrin ou SoftBank, il y en a peut-être qui seront rentables. La grosse différence quand même, et elle est gigantesque, c'est qu'une nouvelle fois Amazon c'est du délibéré, c'est-à-dire que le résultat est délibérément proche de zéro, tandis que Uber, ils sont dans des proportions de déficit qui sont tellement ahurissants que ça ne relève absolument pas d'une activité délibérée et d'une volonté. Ça relève d'un système qui est à la base dysfonctionnel. Et alors aujourd'hui, toutes ces startups dans le domaine de la mobilité. Parce que vous avez cité les livreurs à vélo. On a cité donc tous les systèmes qui consistent finalement à proposer des voitures avec chauffeur. On pourrait aussi évoquer le système des trottinettes. Là aussi, on voit les trottinettes pulluler. Or, ces trottinettes, elles ont besoin de durer un certain nombre de temps pour être amorties. Et on a tendance à les voir mourir parce que vandalisées bien avant. Est-ce que vous avez un exemple de ces sociétés, de ces startups situées dans le domaine de la mobilité qui soient aujourd'hui rentables? Ben non. Vous pourriez rajouter les vélos en location, vous pourriez rajouter Autolib aussi. Il n'y a pas d'exemple de rentabilité en fait sur toutes ces choses-là, et notamment tout ce qui est du free floating, là où on prend ça où on veut, on repose où on veut. Parce qu'effectivement, ils se battent, là encore, pour être le plus gros, pour être le premier, dans des systèmes où on n'envisage généralement pas le niveau de dégradation qu'il va y avoir, qui est très supérieur à ce qu'on estime. Et ces gens-là jettent en général l'éponge au bout d'un certain temps. Ça a été le cas notamment pour les vélos à Paris, il y en a plusieurs qui sont partis déjà. Et Autolib, bien sûr. Et alors, du coup, quelle morale peut-on en tirer? Est-ce que ça veut dire que le secteur de la mobilité est un secteur qui, aujourd'hui, avec l'état de nos connaissances, bref, toute chose égale par ailleurs, est-ce que c'est un secteur qui n'est pas rentable? On peut pas dire qu'il soit pas rentable. Le problème, c'est que la stratégie qui a été choisie, l'affrontement, le terrain d'affrontement qui a été choisi, c'est sur le prix. Et quand vous êtes sur un terrain d'affrontement qui est sur le prix, dégager une rentabilité est extrêmement difficile, surtout face à des gens qui sont prêts à investir des sommes considérables pour gagner des parts de marché. Si on était dans un système où c'était pas le prix qui était le critère déterminant, on pourrait peut-être imaginer des stratégies gagnantes. Là, ils sont dans une guerre des prix effrénée les uns avec les autres, et ça, une guerre des prix, de toute façon, elle est généralement toujours perdue. Et oui, parce que si vous dites que vous perdez à peu près 60% du chiffre d'affaires, ça voudrait dire qu'il faudrait donc un chiffre d'affaires plus de deux fois supérieur pour gagner de l'argent. Et donc là, on se rend compte qu'à ces niveaux de coûts, peut-être que personne n'utiliserait des Uber. C'est possible. C'est possible. Cela dit, l'industrie du taxi, elle était rentable, et fort rentable d'ailleurs. Donc, il y a moyen de gagner de l'argent avec ça. Mais il faut pas se battre uniquement sur cette histoire de conquête de territoire effrénée face à des gens qui sont dans la même logique de conquête de territoire effrénée, parce que ça, c'est en théorie des jeux, ça finit toujours extrêmement mal. Et alors, pourquoi en conclusion, pourquoi un taxi est-il rentable là où Uber ne l'est pas, Frédéric Fréry? Pourquoi? Parce qu'il y a des tarifs qui sont des tarifs contrôlés à l'échelle nationale pour les taxis. Alors, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que les taxis sont pas dans cette logique de conquête de territoire absolue. Quand vous êtes taxi, vous prenez une licence et vous restez taxi toute votre vie en général. Uber, c'est plutôt, ils essaient d'attirer énormément de monde en permanence, et ça leur coûte beaucoup d'argent en promotion et en conviction de nouveaux intervenants. Le taxi joue sur la durée, là où sur Uber va jouer sur la conquête immédiate. Merci beaucoup Frédéric Fréry. Je rappelle que vous êtes professeur à l'ESCP Europe et à Centrale Paris, et je rappelle également le titre de votre manuel stratégique. Superfail a été gâché à la technique par Stéphane Poitevin, raté à la réalisation par Alexandra Longuet et dévasté à la préparation par Daphné Abgral. Superfail.